Mon cœur, j'ai appris que tu gères toutes les femmes de là-bas. T'es un coureur de jus qu'on les finettes ne résistent pas. Arrête de bouger les cœurs, elles ont besoin d'amour. Pas d'un homme qui les joue les tours quand elles sont folles d'amour. Non, non, non, elles ne veulent pas. Travail. Tu ne penses qu'à ta voiture, tuning jusqu'au réservoir. Et ça fait kiffer les femmes, ton téléphone sonne tous les soirs. Quand c'est le vendredi soir, tu as 10 000 rendez-vous. T'arrêtes pas de faire le fou. Une femme dans chaque commune, un enfant dans chaque foyer. Plusieurs bouches à nourrir, des cadenas, tu es fier. Une femme dans chaque commune, un enfant dans chaque foyer. Tu ne t'occupes même pas d'eux, et tu fais des malheureux. Pas de doute, car tu es son chouchou. Après quelques jours, marre de la routine, tu vas voir ailleurs et tu la laisses seule dans ses pleurs. Tu n'arrêtes pas de la tromper. J'ai appris que tu gères toutes les femmes de là-bas.